cours numéro 24. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sa'ala ahad al-ikhwa an wad' al-yadayn يعني جهات القلب. Un frère, il avait demandé, بعض الناس يمت quand ils sont debout, la main gauche sur le cœur et la main droite. Hakada. Ils ne mettent pas au centre. Ils penchent un peu sur la gauche, au niveau du cœur. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله قال نرى بعض الناس يضع أو يضعهما أي اليدين على جنبه الأيسر. الشيخ محمد بن العثيمين قال On voit certaines personnes, نعم, ils placent leurs mains au niveau, ils penchent vers la gauche, au niveau du cœur. قال وإذا سألته لماذا قال لأن هذا جانب القلب. Si tu lui demandes pourquoi tes mains sont plus vers la gauche, du côté du cœur, هو il répond لأنه c'est le côté du cœur. Et il pense que mettre ses mains du côté du cœur c'est mieux. قال الشيخ ابن عثيمين وهذا تعليل عليل لما يلي. تعليل عليل c'est une excuse, elle est pas valable. قال الشيخ ابن عثيمين اولا il a cité plusieurs réponses pour montrer que c'est pas légiféré. هذا قال لانه في مقابل السنه وكل تعليل. Enfin, chaque raison que tu prétends, si elle n'est pas fondée sur un hadith ou un verset du Coran, dans la religion, elle est rejetée. Les anna, ça serait un bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait fait. Les anna wahed, il va mettre au niveau du cœur, un autre, il va mettre au niveau de la droite. Et il va dire, le côté droit, c'est mieux que la gauche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait bien commencer par la droite. Et il va mettre du côté droit. Un autre, il va mettre en bas. Un autre il va mettre au-dessus, un autre il va. Ad-din c'est qu'à Allah qu'à Rasoul. Celui qui fait quelque chose dans la religion, il doit avoir une preuve. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Celui qui fait une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné, son acte il est rejeté. Dans din. Qal ibn Taymin wa kullu ta'lil fi muqabil as-sunnah fa innahu mardud ala sahibihi. Celui qui prétend une chose et il n'y a pas de fondement dans la sunnah, c'est rejeté, qui qu'il soit. Et quelle que soit cette chose, que pas d'en dire. قال لأن السنة أحق بالاتباع وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فهكذا يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واعلم أن عامة البدع la plupart des bidats, des innovations que tu vois l'un dans la umma, c'est min hada al-bab. Ay, il pense que c'est bien. Lianna, il a délaissé les textes et il réfléchit lui. Il ne voit pas de mal, huwa. Ba'd al-awam, maintenant, tu lui dis là, la yajouz, que tu places tes mains au niveau du cœur. Il ne comprend pas, il est où le mal. Amma, celui qui connaît le din, qui connaît al-Qur'an ou al-Sunnah, c'est un très grand mal. Lianna, si tu fais ça, quand tu prétends que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas montré cette chose. Et c'est un bien, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas montré. Là, kullu bid'atin dhalal. Chaque chose inventée fait din, c'est un égarement. Ça, c'est une règle. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. انظر شرح الممتع للشيخ ابن عثيمين. فبلاصة سما au niveau du cœur c'est une bid'ah في الدين. كذلك deuxième مسألة. On avait dit أن les personnes qui prient derrière l'imam ils se précipitent pas au sujoud. Et l'imam il dit Allahu Akbar et ils font sujoud. Là ils attendent que l'imam il est prosterné et après ils le suivent. On a trouvé quelques paroles de savants fi hada. قال الإمام ابن رجب رحمه الله إلى سيت حديث البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع ساجدا فنقع بعده سجودا. هذا الحديث أي il se prosternait pas tant que le prophète صلى الله عليه وسلم il était pas prosterné. Tu remarqueras que la mesela c'est pas de takbir. Ahyanan nous on fait l'erreur. Dès qu'on entend Allahu Akbar, on se prosterne. C'est pas de takbir. Là, al-dhabit, c'est que l'imam il est prosterné. Tu trouves des a'imma, il fait le takbir, il est encore debout. Enfin, si toi, tu te précipites, tu feras la prosternation avant lui. Al-dhabit, c'est pas de takbir. Le dhabit, c'est quand il est. Tous ses membres ils sont au contact du sol, il est prosterné. Qala al-imam ibn Rajab, rahimahullah. قال وهذه صريحة أي رواية الحديث المذكور أنهم كانوا لا يشرعون في السجود حتى ينتهيه النبي صلى الله عليه وسلم. ابن رجب رحمه الله ينمطخ أن الحديث الكلير أنهم يكمنسوا لا يشرعون أي كمنسوا أدسند لبوزيون السجود طنق الإمام لا يبقى. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله وفي السجود لما كبر أي الإمام للسجود سجدت وصلت إلى الأرض أنت وهو سواء فهذا مكروه. الشيخ بن عثيمين يتمطخ أن السيد دي il commence Allahu Akbar anta tu te prosternes rubama tu te prosterneras en même temps que lui wa hadha shaykh Al-Uthaymeen il a montré c'est makrouh c'est détestable hadha fa al-inaya bi hadhihi as-sunnah. Dernière chose avant qu'on commence le dars ams on a expliqué كذلك ça c'était le cours d'hier anna as-sahih quand tu te prosternes tu descends sur tes mains pas sur tes genoux. Cheikh Al-Albani il a argumenté avec un hadith et on avait rajouté un deuxième. C'est quoi le premier hadith que Cheikh Al-Albani il a cité? La yabrak ahadukum na'am kalba'ir. On ne doit pas se prosterner comme le chameau, avec comme la descente du chameau. On a rajouté un deuxième hadith, mahou. Il est où le rapport avec Mas'alat, ne pas faire comme le chameau? Ala al-rukbatay. Limada? Pourquoi Hadith al-Bara il montre que les mains sont avant les genoux? Pourquoi? Ayyukaddim al-yaday. Ahsant. Lianna. Al-Bara, il a dit, radiyallahu anhu, on ne penchait pas, on ne se courbait pas au niveau du dos, tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas prosterné. Voilà, chaque, comme on l'a expliqué hier, si tu courbes ton dos, là, chaque que c'est tes mains qui vont toucher le sol, avant. Amma, tu peux descendre sur tes genoux et ton dos, il est droit. Hada, l'argument qu'on avait pris, et on a trouvé kalam de Cheikh Yahya Hafidhahullah, قال, al-nuzul fi sujoud ala al-yadayn. قال, wa dalil hadith al-Bara. Et il l'a cité. والحناء الظهر يكون في النزول على اليدين. Si ton dos il se courbe, tu te courbes, alors chaque tu vas descendre sur tes mains. انظر المبادى المفيدة لشيخنا حفظه الله. قال الإمام الألباني رحمه الله وقال للمسيء صلاته إذا سجدت فمكن لسجودك. وفي رواية إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. قال وكان يقول لا صلاة لمن لم يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. الجبين سي الجبهة سي الفخو والأنف سي الني. أولا سي حديث كالشيخ الألباني لا سيتي الصواب سي كلي مرسل. الشيخ الألباني لا سيتي مرفوعا أي لا بغول دو بروفيت صلى الله عليه وسلم والصواب أنه لي مرسل من مراسل عكرمة كما قال الإمام أبو داود والإمام الترمذي والإمام الدارقطني وهو الصواب. المرسل معروف pour les frères qu'on fait du مصطلح مصطلح الحديث أن المرسل c'est التابعي أي la génération après les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. Ils n'ont jamais rencontré, ils n'ont jamais vu le prophète عليه الصلاة والسلام. Ils sont venus après les compagnons. Un d'entre eux, il rapporte directement à l'Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ikrima matalan, il dit, qu'a l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la salat liman lam yusib anfa ila akhir. Ça s'appelle mursal. Et c'est min qismu al-da'if. Limada, li'anna le tabi'i, il a jamais vu le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a jamais entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fala chaque, il y a quelqu'un qui l'a informé. Fahad al-an, il manque quelqu'un dans la chaîne de transmission. C'est qui? Ça peut être une personne qui n'a pas de confiance, ça peut être une personne qui a un mauvais hir. Fal-ulama, il appelle al-mursal, il est vaïf. Qala, wa kana yumakkin aydan rukbatayh wa atraf qadamayh. On lit, Thomas, il a cité plusieurs hadiths, ça tourne toujours autour de des sept membres qu'il faut, la personne qui est prosternée, sept membres ils sont au contact du sol comme on l'a dit. Al-an on lit les hadiths, thumma nandur al-masail. Qala wa yastaqbil bi sudur qadamayhi wa bi atraf asabi'ihima al-qibla. Anta as-sunnah, c'est que tes orteils sont en direction de la qibla. Ça c'est mustahab. Al-afdal, c'est que même tes orteils sont en direction de la qibla. Qala wa yarus aqibay. Yarus, c'est le fait de coller. Et il n'a pas cité hadith Aïcha, radiyallahu anha. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était en soujoud, il faisait qiyam layl, et elle dormait à côté de lui, radiyallahu anha. Et sa main, elle a touché ses deux pieds. Il était en soujoud. Ça montre que ses deux pieds étaient collés. Mais il y en a, s'ils ne seraient pas collés, maintenant t'as les pieds comme ça, la main d'Aïcha, peut-être elle aurait touché ce pied, ou l'autre. Lakin, elle a montré que sa main, elle a touché ses deux pieds. Voilà, je sais que les deux pieds étaient collés. C'est que ses pieds sont comme ça, fils soudou, son hauteur, et les orteils en direction de la qibla. Qala wa amara bih wa kana yaftakh. Qala wa yaftakh bil kha al mu'jama ay yaghmaz mawdi' al mafasil minha wa yutniha ila batin al rijl kama bin nihaya. Fa ka'annahu al murad, il les plie en direction de la qibla. Qala fa hadhihi sab'atu a'dha كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها الكفان والركبتان والقدمان. الكفان c'est la paume des mains, هكذا. Ça c'est clair. قال الركبتان, les genoux. Ça fait quatre membres là, les deux mains, les deux genoux. قال والقدمان, les deux pieds, ça fait six. قال والجبهة والأم, ça fait un. الجبهة c'est le front et le nez. Ça fait un membre. هذا سواء واجب في السجود للست مم. قال وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الآخرين أي الجبهة والأنف قال كعضو واحد في السجود حيث قال أمرت أن أسجد في رواية أمرنا أن نسجد على السبع أعظم. هذا كلام ابن عباس. أمرت أن أسجد أي نوزا أغدني دس بخستغني. هذا ابن عباس كي بارل رضي الله عنهما. قال على الجبهة وأشار بيده إلى على أنفه. Le prophète sallam, il leur a montré qu'ils doivent se prosterner avec le front en contact du sol et il a montré son nez. Ça montre que le front et le nez, c'est compté comme un membre pour le sujoud. Al-Al, le résumé de tout ça, tout ce qu'on a lu l'Al, Al-Musalli, fils sujoud, sept membres ils doivent être au contact du sol. Ses deux pieds, ses deux genoux, ses deux mains et le front avec le nez. Al-An al-Hukm, c'est un hadith qu'on a lu, il montre que c'est wajib, c'est obligatoire. L'Anna ibn Abbas, yaqul umirna. Ah, le prophète sallam, il nous a ordonné. Et on a déjà vu un al-asl fi al-amr, c'est al-wujub. Quand le prophète sallam, il donne un ordre, la base c'est que c'est obligatoire. Sauf si t'as un autre dalil qui montre que c'est pas obligatoire. Wa ammat al-ulama, ils sont ala hada. Bal, kana wijma' al-ulama, anna les membres, c'est obligatoire qu'ils soient au contact du sol. Illa, ils ont divergé mas'alat al-anf. Ils ont divergé pour le nez. Amma le reste, ils sont d'accord. Les mains, les genoux, les pieds au contact du sol pendant ce jour, ils sont d'accord. Waqiya mas'alat al-anf, ils ont divergé. Les anna ba'dhum, ils ont compris. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit al-jabha, le front, pour eux, ça englobe pas le nez. Ba'dhum, ils ont dit c'est mustahab. C'est mieux. Lakin al-sahih, c'est que le nez, c'est comme les autres membres. C'est obligatoire qu'il touche le sol. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في السيل قال وبهذا البيان إلى أكسبليك استو مسألة ثم قال وبهذا البيان يتضح لك أن رواية ذكر الجبهة مع الإشارة إلى الأنف لبيان أن السجود على الجبهة لا يكون تاما كاملا إلا بوضع الأنف معها. الشوكاني تمتغى أن النبي صلى الله عليه وسلم quand il aura montré et il aura ordonné de se prosterner et il a dirigé son doigt vers son nez, c'est pour leur montrer que le nez il a le même حكم que le front. Al-Sahih, c'est que c'est obligatoire, ton front est au contact du sol et ton nez. Mas'ala, est-ce que tout le membre doit être au contact du sol, matalan la main, hakada, ou yuzzi une partie. Matalan, il y a des personnes, ils ont des orteils plus longs que les autres, ou plus grands que les autres, alors je sais que ces orteils ne seront pas tous au contact du sol. لكن نحن نقول مثلا لما يتعمد يفعلها كذا مثلا كين بارتي هل يجزي هذا سافي قال ابن قدامة رحمه الله والكمال في السجود على الأرض أن يضع جميع بطن كفيه وأصابعه على الأرض ويرفع مرفقيه فإن اقتصر على بعض باطنه أو باطنها أجزأه نعم si mais qu'une partie des membres ça suffit لكن le mieux c'est qu'il mette tout مثلا la paume il la met en contact entièrement هذا أفضل أما s'il y a qu'une partie يجوز l'essentiel c'est que les membres ils soient en contact du sol مسألة أخرى est-ce que ces membres ils doivent être au contact directement du sol ou مثلا s'il y a quelque chose entre le membre et le sol مثلا ta imam on a dit le front il doit être au contact du sol bah, celui qui se prosterne entre lui et le sol il y a هذا الحاجز الامام ça va ressembler à la mas'ala qu'on a vu auparavant جمهور العلماء الى استحباب الى استحباب مباشرة الأرض sans حائل sans quelque chose les sandales il y a hadith النبي صلى الله عليه وسلم il a pris avec enfin ça rentre pas في هذا لكن on parle imam on parle les gants فأفضل c'est que ça soit ton membre il soit au contact directement هذا أفضل قال وكره أن يفصل بين جبهته أو أنفه أو يديه فاصل متصل بالمصلي وقالوا إذا فعله فصلاته صحيحة ولو s'il y a quelque chose مثلا une personne a prié avec des gants فالأفضل s'il peut s'en passer c'est qu'il retire les gants et il fait salat directement sa main en contact si il fait salat avec les gants sa salat elle est sahiha sa salat elle est valide لكن le mieux c'est qu'il les enlève قال وترك الأفضل قد يقول قائل c'est quoi le dalil على الجواز حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال الحديث اللي في صحيح البخاري صحيح مسلم قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود فيسجد عليه أنس rapporte أن à l'époque tellement qu'il faisait chaud certaines périodes tellement qu'il faisait chaud quand il se prosternait il mettait quelque chose il mettait leur imama ou quelque chose un tissu et il se prosternait dessous et là le sol il était brûlant ça montre quand il y a une raison une nécessité il n'y a aucun mal mais quand il n'y a pas de raison afdal c'est que ton front il touche directement le sol et tu pries sans gants hada al afdal قد يقول قائل مسألة السجادة الشيخ الألباني أظن إلا سيدي لأننا نحن نجي directement au sol une personne il peut dire entre nous entre tes membres et le sol il y a le tapis الشيخ الألباني va le citer نعم السجود على الأرض والحصير page 130 بإذن الله ça va venir قال رحمه الله قال وكان يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب قال في الحاشية أعضاء هاي ست مومبر كما نشرح قال وجهه وكفاه وركبتان وكفاه وركبتان وركبتاه وقدماه سوى ركبتاه وقال في رجل صلى ورأسه معقوس من ورائه معقوس أي il a attaché ses cheveux cet homme il avait les cheveux longs il a fait salat et il a attaché ses cheveux قال من ورائه إنما مثل هذا الذي يصلي وهو مكتوف وقال أيضا ذلك كفل الشيطان يعني مقعد الشيطان يعني مغرز ظفرة c'est pas mis la sunna tu fais la salat مثلا et ta manche elle est retroussée هكذا كذلك les cheveux celui qui a les cheveux longs il les laisse Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a déconseillé de s'attacher les cheveux pendant le salat et de retrousser يعني, ses manches. قال وكان لا يفترش ذراعيه بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه. On a vu les sept membres au contact du sol. Tes deux coudes, on va voir le sunna, c'est t'écarte. Tu pries هكذا. Dès que t'es en sujoud. Bien sûr, quand t'es tout seul. Si t'es en jama'a et c'est serré, tu t'adaptes. Amma quand t'es tout seul, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tellement qu'il écartait, il voyait la blancheur de ses aisselles, alayhi sallatu wa sallam. Hada huwa sunna. Amma le fait qu'il touche le sol, hakada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit hada. Hada, ça ressemble, comme avait riwaya, al-kalb. Vous avez déjà vu la position du chien, il est hakada. Quand il est couché, Et là, sa patte, elle est au contact du sol. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de lui ressembler. On lève nahnu le coude. On lit les hadiths, tout le monde en dort si on a une mas'ala fi hada. Qala, wa hatta law anna bahmatan aradat an tamur tahta yadayhi marrat. البهمة قال في الحاشية واحدة البهم وهي أولاد الغنم. Tellement que النبي صلى الله عليه وسلم levait son coude, cette petite bête elle aurait pu passer en dessous. قال وكان يبالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذ سجد. C'est ça le sunnah. Lakin on répète quand il y a quelqu'un à côté de toi. Ou salat al-jama'a, tu ne le gênes pas. Tu fais autant que tu peux et tu ne gênes pas ton frère. قال وكان يأمر بذلك فيقول إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. ضع كفيك, أي tu places ta main. وارفع مرفقيك, le coude tu le lèves. قال ويقول اعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعين بساط وفي الأرض كما يبسط الكلب. هذا الحديث اللي في الصحيحين, حديث نادي عبد الله ابن بحينة. قال وفي لفظ آخر وحديث آخر ولا يفترش أحدكم ذراعي افتراش الكلب. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا كومباري او شيان. قال وكان يقول لا تبسط ذراعيك بسط السبع والدعم على راحتيك وتجافي عن ضبعيك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك. قال في الحاشية تباعد عن, نعم أي تكخت كما on a expliqué, ton coude il est écarté de tes hanches, de ton corps. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.